C'est du sud que le vaisseau blanc avait coutume de venir quand la lune était pleine et haute dans le ciel. Une nuit, j'aperçus sur le pont un homme barbu qui semblait me faire signe d'embarquer. La nuit où je répondis à son appel, je traversai les flots jusqu'au navire grâce à un pont formé par un rayon de lune. Thank you.